vibrer. Réagis avant tes ennemis te finissent au bord du gouffre. Tu t'étouffes, reprends du souffle. Chez nous c'est plus que l'entacle, l'île de la tentation. Ça se tire dessus au Beretta sans trop avoir d'hésitation. La violence depuis la naissance, d'entre elles nous a percé. Ce qu'on pense c'est faire confiance, la soi même pour pas se tromper. Rien que sa vie au jour le jour, quitter les cours pour les tours. Rentre dans le subi, envie faire de la Tessie le plus gros four. C'est la haste, t'es en place, dans la routine de la hive. Tu t'es fait recruter sans CV et lettre de motif. Tête cramée, la dégaine pour crâner. Très vite tu peux te faire crâner ou prendre des peines en année. Tu aimes ce cercle vicieux des hypocrites, des haineux. Au fond tes mailles à compenser en thune, t'arrives à te sentir mieux. C'est la routine de la vie, le dégoût et l'envie. Déçu ou ravi, la mort ou la vie. Manu ou armé, la rue ou la mosquée. C'est pas une fiction, c'est juste la réalité. Trop dans ce vide, réagis avant tes ennemis te finissent au bord du gouffre. Tu t'étouffes, reprends du souffle. Cette vie prend. Trop dans ce vide, réagis avant tes ennemis te finissent au bord du gouffre. Tu t'étouffes, reprends du souffle. Cette vie prend. 15 ans moins, roule un joint quand t'es mal, ton seul soin. Overdose du tchécard, les envies de se barrer loin. Tes bétons, la zonzon est devenue ta nouvelle maison. Pétage de plomb à fond et des tentatives d'évasion. Ça y est, t'es sorti, ton pote t'attend dans la job. Rebelote, il te raconte comment Speedcraft ta Kaamelott. Tes amis se transforment en ennemis, faut les frog. Tellement goûté au hype que t'as toujours la trace des menottes. Les petits ont tout raflé, passent leur journée à tout arracher. Puis l'on veut R et depuis quelques temps, sont mis à la CC. Se font des couilles en or, mettent tout le monde d'accord. Ils ont quitté la school Hassoul pour kiffer la vie hardcore. Qu'est-ce que tu veux leur dire pour eux, t'es un exemple. T'as toujours sorti le calibre quand il y avait une descente. Marre d'être une vermine, tu cherches à trancher dans le jean. Tu penses plus l'oseille, mais qu'au conseil des frères musulmans. Trop dans ce vide, réagis avant tes ennemis te finissent au bord du gouffre. Tu t'étouffes, reprends du souffle. Cette vie prend. Trop dans ce vide, réagis avant tes ennemis te finissent au bord du gouffre. Tu t'étouffes, reprends du souffle. Cette vie prend. Trop dans ce vide, réagis avant tes ennemis te finissent au bord du gouffre. Tu t'étouffes, reprends du souffle. Cette vie prend. Trop dans ce vide, réagis avant tes ennemis te finissent au bord du gouffre. Tu t'étouffes, reprends du souffle. Cette vie prend. Reprends du souffle, frère. Cette vie prend ouf. Bah ouais. T'es dans le cercle vicieux des hypocrites, des haineux. Ça peut finir mal. Avec une balle entre les deux yeux. Trop dans ce vide, réagis avant tes ennemis te finissent au bord du gouffre. Tu t'étouffes, reprends du souffle. Cette vie prend ouf. Cette vie prend ouf. Cette vie prend ouf.